N'importe tes doigts, si tu te ronges, je les en double. Si tu racontes des bobards pour éviter la honte, si t'as une tête de poire et puis le teint blafard, si tu colles des images parce que t'as pas de tatouage. How many you want at the end?